Exercice 6, page 26. A. Il mange du beurre ? Transformé ? Il ne mange pas de beurre. B. Il boit du lait ? Transformé ? Il ne boit pas de lait. C. Elle veut du sel ? Transformé ? Elle ne veut pas de sel. D. Elle prend du sucre ? Transformé ? Elle ne prend pas de sucre.